Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant de la Ligue nationale de hockey, de l'Avalanche du Colorado qui a perdu hier samedi plutôt 5-1 contre les Flames de Calgary. Dans le match, Samuel Girard a été blanchi, a joué 23 minutes 47 et a terminé le match à moins 1. Il y a les Saguenay de Chicoutimi qui se sont fait lessiver hier à Victoriaville par le compte de 7-1. Seul Kevin Clément a compté le seul but des Saguenay. Samedi, les Sags se sont inclinés 8-2 contre les Remparts de Québec. Simon Monette et Samuel Houde ont marqué les buts pour les Sags. Et vendredi, victoire des Saguenay 3-2 sur les Foreurs de Val-d'Or. Et dans la rencontre, Kevin Clément, Jérémy Grolot et Mathieu Desgagnés ont compté les buts pour les gagnants. Du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, de Gilles Bouchard de Normandin, ils ont perdu à deux reprises 2-1 contre les Remparts de Québec et 2-1 contre l'Océanique de Rimouski. Ligue nord-américaine de hockey également, les Marquis ont perdu 10-3 contre les Éperviers de Sorel. Deux filets dans la rencontre de Gabriel Paquin-Boudreau. Et maintenant, victoire des Marquis 4-3 contre Saint-Georges-de-Beauce dans l'autre rencontre. Deux buts de passe pour l'excellent Hugo Carpentier. Ligue senior du lac aux fleuves, défaite du multiconcessionnaire 7-6 contre la Haute-Côte-Nord. Steven Girard, 2 buts de passe. Guillaume Lagarde, 1 but de passe. Jonathan Fleury, 1 but de passe. Devant Olivier Duchesne et Jean-François Fortin. Ligue junior régionale, 3 matchs pour les Sabres de Robertval en fin de semaine. Les Sabres ont perdu 11-3 contre les Saguenay de Chicoutimi. Ils ont battu les Aiglons 8-4 et ils ont perdu 7-6 contre les Éperviers de Normandin. Du côté des Éperviers, ils ont perdu 4-3 également contre les Marquis de Jonquière. Fiche de 500 pour l'équipe de Jason Lajeunesse et les Marquis de Jonquière, et plutôt le Marcos Pop de Saint-Félicien. Les Aiglons d'Allemagne ont gagné 2-1 contre le Marcos Pop et victoire facile du Marcos Pop 6-2 contre le National de la Baie. Et au Bantam, défaite de 4-0 des Rapides de Boumsesny contre les Marquis de Jonquière. On termine avec du curling. Il y avait un tournoi de curling des retraités qui se déroule, qui était disputé à Saint-Félicien au cours du week-end. Plusieurs équipes de Boumsesny étaient en action. Dans le A, Raymond Lavoie et Fernand Bolduc s'affrontaient. C'était une victoire pour Raymond Lavoie. Dans la finale du B, Nelson Bernard affrontait Daniel Huard de Boumsesny. C'était une victoire de Nelson Bernard. Dans le C, Gaston Martel et Claude Villeneuve s'affrontaient. Victoire de Claude Villeneuve. Et dans le D, Dominique Cahouette de Boumsesny a défait Joanne Perron. Donc, c'était le tournoi des retraités qui se déroulait en fin de semaine. Sport local et régional, à Dan, radiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.